Merci beaucoup, Pierre Pellegrin, d'être venu nous parler de l'Odyssée aujourd'hui et nous livrer vos interprétations politiques de ce texte. On peut lire la présentation que vous avez faite de l'Odyssée aux éditions Flammarion. C'était en 2017. On se quitte avec un retour à la maison, celui de Simon & Garfunkel. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'écrans. Les écrans sont encore, et depuis quelques années, sous le feu des critiques. Abrutissants, chronophages, désocialisants, je ne sais pas si ce terme existe. Les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, avant la télévision ou le Minitel, tous coupables de nous rendre bêtes. En cette rentrée, l'essai du docteur en neurosciences, Michel Desmurger, en remet une couche avec la fabrique du crétin digital. Le titre est on ne peut plus clair, mais que cache au fond cette haine des écrans ? Alors, il ne s'agit pas de tout jeter et de dire que le numérique, il faut revenir à la charrue à bras et à la roue pascaline. Il y a des usages, il y a des usages qui sont positifs des écrans. Moi, si vous m'enlevez les écrans dans mon travail, j'ai beaucoup de difficultés. C'est pareil, photo numérique, il y a tout un tas de choses qui sont positives, les outils de calcul. Donc ça, évidemment, il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Le fait est que l'usage que les enfants, les jeunes font des écrans sont des usages essentiellement récréatifs. 95% du temps qu'ils y passent, c'est sur des sites marchands, c'est sur les réseaux sociaux, c'est les jeux vidéo, c'est les plateformes de vidéo, c'est la télé, etc. Et ces choses-là, on sait qu'elles nourrissent pas le cerveau de façon optimale. Comme Michel Desmurger, l'auteur de La fabrique du crétin digital que l'on vient d'entendre, et sûrement comme tout le monde d'ailleurs, j'ai recours aux écrans. Pour travailler, pour m'informer, me divertir ou pour me reposer et tout oublier. Vous m'accorderez que se coller à son écran de téléphone reste une bonne échappatoire à une réunion barbante. Mais merci. Comme... Non, ça n'arrive jamais au chemin. Mais comme Michel Desmurger, et sûrement comme tout le monde, j'ai moi aussi l'impression de souvent perdre mon temps, de perdre en concentration, en attention et en acuité visuelle devant un écran. Parfois même, je dois le dire, je me sens un peu sale, fatiguée, un peu bête. Qu'ai-je gagné en traînant sur les réseaux sociaux ? Qu'ai-je appris en visionnant une série pendant des heures ? Pour résumer, et comme le répètent à l'envi les partisans ou détracteurs des nouvelles technologies, tout serait en fait une question d'usage et de dosage dans nos usages. Eh bien, j'ai un scoop, on s'en doute, on le sait bien que c'est une question d'usage. Mesure, pondération, équilibre, ça marche pour tout. L'alcool, l'amour, le travail, l'argent, c'est d'ailleurs ce que nous disent les philosophes depuis l'Antiquité, sauf Nietzsche peut-être. Tout est une question de mesure. Mais pourquoi, en particulier pour les écrans, pourquoi cette impression qu'ils sont plus dangereux que le reste? Suis-je perméable à cette ère du temps qui en fait la nouvelle cible, ou serait-il fondamentalement plus mauvais qu'autre chose? Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh. Pourquoi toute cette production critique, voire assassine des écrans et de ce qu'ils provoquent en nous? En fait, il y a deux manières de s'opposer aux écrans. D'abord, il y a le point de vue technico-moral. Les écrans seraient, comme toute nouveauté technologique, à apprivoiser, à limiter, à régler. Le philosophe allemand Hans Jonas, avec son principe responsabilité de 79, dans lequel il prône un encadrement du progrès technique, incarne parfaitement cette approche. Mais plus intéressant que cette approche qui peut frôler l'antimodernité, il y a aussi tout ce qui se joue avec l'image, la représentation, l'art même. Les écrans sont ainsi l'occasion d'actualiser toutes les théories critiques de l'image que l'on trouve de Platon jusqu'à Guy Debord, coupable de doubler la réalité ou de la fausser, coupable de nous tromper. Et là-dessus, les écrans seraient même pires que les images. Car écoutez bien, on ne parle plus de ce qui est montré en employant le terme d'écran, mais de ce qui montre. On s'en tient au support, à la surface. L'écran fait donc bien écran, et c'est ce qu'on lui reproche. Mais écran à quoi? Que cacherait-il? Moi, j'aime bien les westerns, les policiers, et les dessins animés aussi. Bah moi, je trouve pas terrible, par exemple, les émissions du mercredi après-midi, parce qu'elles sont un peu bidons. Puis, quand on veut laisser parler les enfants, la plupart du temps, ils ôtent le micro au moment où ils commencent à parler. Mes films préférés, ce sont les films de Belmondo, là. Belmondo casse des volets, par exemple, ça c'est quelque chose que je veux regarder ici. En écoutant ces enfants parler de télévision, c'était en 77, fasciné par elle, mais pas moins critique, je me dis en fait que les écrans ne cachent pas leur jeu, ils ne cachent rien, ils s'affichent tels quels. Mais mieux que ça, j'ai une hypothèse, et si les écrans ne cachaient rien, ne faussaient rien, ne trompaient personne, mais au contraire révélaient quelque chose de nous, agissaient comme des révélateurs. Si je me sens un peu bête, après avoir regardé 10 heures de série, pourquoi la faute en reviendrait aux écrans? Les écrans font penser que je pourrais faire autre chose, autrement, parler plus aux gens, lire un livre par exemple, mais si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas à cause du pouvoir d'attraction des images, mais parce que l'envie ou la volonté n'y était pas. Les écrans révèlent les regrets que l'on se crée d'une autre vie que l'on aimerait avoir, d'un autre moi que l'on aimerait être, d'une autre journée que l'on aurait aimé passer. Finalement, les écrans sont les meilleurs alliés de nos doutes, de nos inquiétudes, de quoi être lucide sur nous-mêmes et peut-être sur notre bêtise. Les écrans sont des miroirs en fait, c'est ce que vous dites. Exactement, Dale, vous avez bien suivi. Merci Géraldine pour cette analyse, je retourne à mes écrans pour écouter votre chronique en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier à la préparation de l'émission avec Pierre Pellegrin, Manon de la Salle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Pierre Faucillon qui est à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert à la lecture des textes homériens, homériques. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous amène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, je vous propose de redécouvrir le Profession Philosophe enregistré avec Ali Ben Maclouf et initialement diffusé en septembre 2019. D'ici là, pour réécouter cette série sur l'Odyssée d'Homère, c'est très simple. Vous pouvez l'écouter en ligne sur le site de France Culture ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à volonté. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, où l'équipe des Chemins de la Philosophie vous attend avec impatience. À demain, 10h, avec autant d'impatience d'ailleurs. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.